bout de ficelle, oui, si tu le tends et que tu mets un morceau de polystyrène ou de carton, on va pouvoir l'entendre, le bout de ficelle. Donc effectivement, avec très peu de choses, on peut arriver à faire du son. D'ailleurs, moi, je fais souvent de... Enfin, souvent. De temps en temps, je fais de la pédagogie avec des groupes d'enfants. Dernièrement, enfin, ce que je faisais, c'est ça, c'est vraiment récupérer des choses qu'on peut trouver dans la rue ou dans les poubelles ou des... au niveau des matières, c'est-à-dire du plastique, du métal, du bois, du végétal ou de... Et arriver à faire sonner tout ça. Donc ouais, vraiment le bout de ficelle. Et ça marche. Non, en fait, j'utilise juste les objets en eux-mêmes. Donc l'amplification, si j'ai par exemple une tige de métal, elle va pas sonner comme ça, donc il faut lui trouver par exemple un morceau de polystyrène qui va pouvoir sur laquelle la poser et la vibration du métal va passer dans le polystyrène qui est un très bon amplificateur. Les boîtes en carton, par exemple, sont des bons amplificateurs aussi. Donc là-dessus, un ressort, un élastique, et tout de suite, on a un son. Ça sonne tout de suite. Donc après, c'est le travail des gestes. Des gestes, ouais.